Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Arnaud Maillard. Salut Arnaud, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Ah, eh bien le plaisir est partagé. Et donc je t'ai connu à travers ton fameux numéro du nounours du doudou sur scène. J'invite les gens à aller jeter un œil là-dessus. Tu avais été artiste de la semaine au Field et c'est là que j'avais découvert ta vidéo. Et donc toi, tu es plus dans le personnage, tout ça. Et ça fait pas mal d'années que tu fais ça, je crois. Oui, ce spectacle il a tourné 7 ans en fait. Mm-hmm. Et donc voilà, ça fait 20 ans que je suis sur les planches. Et donc ce spectacle qui s'appelait Seul dans sa tête ou presque, qui a été mis en scène par Julie Ferrier, était en adéquation avec sa vision sur les personnages, tout ça. Donc c'était les compositions de personnages avec du costume, tout ça. Et je me suis régalé à le jouer pendant 7 ans. Ouais. Ah oui. Eh bien écoute, en tout cas, oui, en 7 ans de spectacle et surtout en 20 ans de présence sur les planches, je pense que quand je t'ai invité pour le podcast, tu as dû penser à des anecdotes bien croustillantes. Bah, figure-toi que je n'en ai pas, parce que je pense que les galères, c'est pour les amateurs. Et moi, oui, comme je suis professionnel. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'était un véritable affront de ma part de t'avoir invité à Galère d'humoriste. Il faudrait que je t'invite à mon autre podcast, Succès d'humoriste. Voilà. Et du coup, je vais te souhaiter une bonne journée, parce que du coup, j'ai pas la anecdote, j'ai aucune idée. Et bien voilà. Et bien magnifique. Je suis désolé Arnaud de t'avoir dérangé. Allez, bonne journée. Non, oui, des galères, j'en ai connu un paquet. Je pense que je pourrais faire saison 2, 3 et 4 aisément, tu vois. Du coup, mesdames et messieurs, les 200 prochains épisodes seront avec Arnaud. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Ma vie est une galère. Non, mais c'est. Bah oui, forcément, les galères, on l'a tous connu et c'est ce qui, comme tu dis si bien, ça nous forge et puis on apprend le métier à chaque fois parce qu'on se dit, bon, bah, est-ce que je vais m'en relever? Et puis on s'en relève toujours parce que c'est un métier avant tout passion. Quoi. C'est un sacerdoce qu'on fait monter seul sur scène, c'est ce qu'il y a de plus dur. Après, on ne va pas la mine non plus, hein, tout va bien. Mais c'est quand même un exercice assez particulier. C'est vrai. Et donc, toi, alors, il y a des anecdotes qui t'ont marqué, des trucs, pas forcément dans tes débuts, hein, ça peut être récent ou quoi, mais je veux dire, il y a des anecdotes, quand tu y repenses, tu dis, oh punaise, vraiment, genre, c'était chaud, quoi. Ah ben, j'en ai une, j'ai fait un peu le tri, là, pour sélectionner, mais j'en ai une qui est pas mal, en fait. J'avais été choisi comme artiste pour jouer pour un événementiel, pour une grande marque de luxe française. Uh-huh. Je tairai la marque. Et donc, on a joué, donc, c'était un gros séminaire, il y avait 300 personnes, et à la fin du séminaire, pour les remercier, il y avait un spectacle, un dîner-spectacle. Et moi, j'avais dit, non, moi, je joue après le dîner, je joue pas pendant que les gens sont en train de manger. J'ai dit, non, quand on sera au café, j'attaquerai le spectacle. Donc voilà, je joue le spectacle, tout se passe bien, super, super accueil. Et donc, le directeur de cette grande marque m'a dit, mais il y a une deuxième date qui est prévue la semaine prochaine à Toulouse, donc on se revoit à Toulouse. Bon bah très bien, machin, et puis les régisseurs avaient été au taquet, impeccable, donc c'était super. Donc on repart une semaine après donc à Toulouse, et puis la journée commence mal parce qu'il y a des annulations d'avion, on devait être là-bas à midi, et puis au finish on arrive à 18h sur place, mais bon... Les régisseurs, les techniciens avaient déjà fait le spectacle qui s'était très bien passé, donc je leur fais confiance pleinement. Je dis, bah, y a pas de souci. Moi, j'étais venu avec mon régisseur qui était là en bac pour donner les tops au cas où s'il y avait un problème ou quoi. Mm-hmm. Et puis donc, j'arrive dans la salle et je me dis, voilà, au niveau de l'énergie, la salle est pas géniale. Moi, je suis assez sensible à ça. Et je dis, tiens, il se passe un truc bizarre. Alors, hauteur sous plafond devait y avoir 20 mètres. C'était genre une salle qui sert à tout et qui sert à rien en finish parce que c'est des trucs de séminaire, de mariage, je sais pas ce quoi. C'était un truc énorme, c'était un hall de garde. Mais bon, je dis, bon, allez, on va faire le taf. Hein. De toute façon, c'est pas grave, hein. on est là pour ça. Et puis, les gens sont en train de manger, tout va bien. Voilà, fin du repas, j'attaque à jouer. Et au bout de 3 minutes, j'ai mon micro qui décroche. Aïe. Donc, j'ai le régisseur qui vient discrètement. Il me change le boîtier. On reprend. Hop, ça redécroche au bout de 3 minutes. Donc, c'est un peu pénible. Là, il me change le casque. Donc, j'improvise un peu là-dessus. Les gens décrochent un peu aussi parce que, bon, voilà, on est au début du spectacle, c'est un peu compliqué. Je repars au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le deuxième micro lâche. Oh là là là là. C'est plutôt rare quand même qu'il y ait le deuxième micro qui lâche. Et je dis bon, ok, donc ça m'énerve, je prends le micro, je le relève, je le jette, je vais faire bon, bah, je vais le faire comme ça à la voix. Mais bon, il fallait fallait envoyer parce que la salle était juste énorme. Et donc, je perds à peu près la moitié de l'auditoire. Hein. Il y avait à peu près aussi 300 personnes. Mais bon, bah, les gens qui étaient un peu au fond, bah, ils entendaient moins bien, forcément, qu'ils étaient habitués avec le micro. Voilà, donc, avec la transauteur sous plafond, forcément, ouais, ça absorbait le son, quoi. Ah non, mais c'était juste... c'était l'enfer, quoi. C'était une cathédrale, mais sans résonance. Donc, c'était incroyable, quoi. Je continue à jouer parce que je lâche jamais rien. Je suis un battant, donc je dis « je vais jusqu'au bout ». Et puis voilà, donc je joue. Hein. Et puis là, je sens que les gens, bah, forcément, ils entendent pas, ça, bah, on n'entend pas, dans le fond. Bah, bon, j'essaye de porter la voix, mais bon, bah, c'est compliqué, hein, dans ces conditions. Ah, ouais. Hein. Et puis, à un moment, je vois que les lumières, elles font des trucs bizarres, ça tourne, il y avait des robots, des machins, je dis, qu'est-ce qu'ils me font en régie? Bon, je comprends pas, je fais, ça va, ça se passe bien en régie et tout. Alors, bon, ça répond pas. Bon, c'est un peu bizarre, bon, ça déstabilise un peu, je continue à jouer. Et puis, à la fin du spectacle, j'ai une chanson qui s'appelle Le Cowboy Moderne, qui est un espèce de rappel. Ah, oh, je m'en rappelle de cette chanson, elle est géniale. Bien dans la tronche. Ah ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qui boit le Cowboy Moderne? Du whisky. Je me suis tapé des barres avec mes potes sur cette chanson. Et donc, je finis mon spectacle, et puis donc, j'ai cette chanson en rappel où je me change rapidement. Donc, je suis changé à peu près en 20 secondes. Donc, je sors. Là, j'attends, je suis dans le noir, j'attends 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, je suis prêt là quand même, qu'est-ce qu'ils foutent et tout, et j'attends. Et je vois les lumières pareil qui partent dans tous les sens. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je me dis, dans ma tête, je me dis, bon, bah, mon régisseur, il a dû dire à l'équipe, écoutez, c'est une chanson, il doit chanter sur une musique, il n'a pas de micro, ça ne va pas le faire. Donc je me suis dit, bah, il veut que j'arrête là, quoi. Et je me dis, mais je n'ai même pas salué, alors c'est un peu étrange, enfin bref. Bon, j'attends, je suis toujours en coulisses, ça dure une minute trente, et puis d'un coup, hop, la musique part. Ah. Donc je suis content, je me dis, ah, bah ça y est, c'est reparti. Je rentre sur scène, et là, bah, tout le monde s'est levé et s'est barré pour aller fumer, pensant que c'était terminé. Et j'ai eu un cri de désespoir en disant, parce que je rentre et je fais, hey, c'est moi le cowboy moderne. Et là, je vois plus personne, je fais, mais revenez, c'est pas fini. Donc, il y a peut-être 15-20 personnes qui sont revenues, qui étaient un peu à l'orée de la porte, qui se trouvaient à 50-60 mètres de la scène, on va dire. Ouais, ils n'avaient pas eu le temps de s'échapper, quoi. Ils n'avaient pas eu le temps de partir, et ils sont revenus, et puis ils sont restés un peu comme ça, dans le fond, comme ça, et j'ai fait mon sketch. Donc, j'ai fini, et je n'ai même pas salué, parce qu'ils ont, bah, ils ont applaudi, ça faisait vraiment le truc tout pourri et tout. Je me suis foutu en boule dans la coulisse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette représentation? Alors que l'autre s'était hyper bien passé. Ouais. Donc, je vois mon régisseur qui me vient voir. Il me fait, ça va? J'ai fait, bah, on en reparle dans 2 ans. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et là, il m'explique. Il me dit, bah, alors les deux micros qu'il lâche, bon, bah, ouais, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, bah, bah ouais, c'est une merde, plus une deuxième, bon d'accord. Puis j'ai vu que tu galérais après, parce que bah vas-y, bah tu perds l'auditoire. J'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les lumières? Il me fait, bah il y a la table qui a sauté. Alors la table de saut qui a sauté, toutes les mémoires se sont rebootées, enfin bref. J'ai dit, oui, c'est un peu pénible. Et j'ai fait, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, bah il y a la platine CD qui a cramé. Donc le temps qu'on réinstalle une deuxième platine CD avec un ordinateur qu'on branche, bah voilà, ça a pris 1 minute 30, 2 minutes, je sais plus combien de temps, mais ça me paraissait une éternité. Et ils ont lancé le truc, on était maudits sur cette date, il y avait un truc très étrange quand même dans ce lieu, quoi. Ouais. Donc voilà, et c'est la seule fois où j'ai joué à un spectacle où je l'ai pas salué à la fin, parce qu'il n'y avait plus personne, c'était... Bah, quand il n'y a plus personne pour recevoir les saluts, j'avoue que c'est chaud. Ah, ah punaise. Et puis après, donc il y a le directeur de cette grande société qui vient me voir, il me fait « Merci infiniment Arnaud, vous avez été jusqu'au bout et tout ». Je suis « Bah oui, oui ». Il me fait « Non mais c'est quel courage et tout ». Et j'avais un autre pote qui était par hasard dans la salle, il me fait « Mais mec, moi je me serais arrêté au bout de 2 minutes en disant « Bah écoutez, les conditions sont pas réunies, je suis désolé, je vais pas pouvoir jouer ». Je dis « Non, mais moi je suis pas comme ça, je joue jusqu'au bout à chaque fois hein, ». Donc je me suis battu, même je me suis fait un peu mal pour le coup, parce que là, mais c'était juste, c'est ce qu'on appelle une galère, mais technique de A à Z. Je fais, bon, ah, ouais, moi, j'ai tout connu, là. Donc, bah, la prochaine fois qu'il m'arrivera une merde, je saurai comment rebondir. Donc, ça sert aussi à ça, les galères, de pouvoir anticiper après. Ah, ça m'est déjà arrivé, moi, je sais comment je vais faire. Donc, ah, bah, oui, ouais, totalement. Ouais. Ouais, ça te forge pour la suite et ça te fait plus peur, quoi. Ah, oui, non, mais c'était juste incroyable. Et puis après, bah, il me dit, bah, venez boire une coupe de champagne quand même. Donc, je suis allé boire une coupe de champagne. Ils avaient les trois régisseurs qui étaient au fond, qui regardaient leur pompe. Ouais. Et les gars, j'ai fait, bah alors les gars, on comprend pas, il y a tout cassoté. Je fais, non, mais il y a un problème électrique dans ce lieu, quoi, ou je ne sais pas quoi. Pour que tout crame, tout saute ensemble, il y a un gros problème. Donc ils étaient désolés. Je fais, non, non, mais tout va bien, ça arrive. Je sais, Ouais, voilà, c'est pas leur faute. c'était pas humain, hein, si tu veux, c'était un problème technique, hein, c'était les machines. Bon, voilà, donc j'ai dit, non, mais bah, venez boire une coupe quand même et tout. Et après, tu as tous les gens qui te regardent et puis qui disent, bah ouais, c'est, je sais pas, on n'a pas compris, je sais pas, c'était bizarre comme ça. Et du coup, j'ai dit à mon ami Greg, je lui ai dit, écoute, prends une bouteille de champagne et on se casse à l'hôtel parce que je veux pas rester là. C'est juste un enfer d'avoir des regards de complaisance de gens qui font, ah, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc voilà. On sait en plus que quand on va jouer dans ce genre de trucs d'événementiel, faut se blinder parce que bah, on n'est pas attendu, on n'est pas connu, donc faut convaincre doublement les gens. Tout ce qui est spectacle d'entreprise, corpo et tout machin, c'est vraiment dur. Donc déjà, c'est dur même quand ça se passe bien. Mais alors là, toi, t'as vraiment pas eu de bol. Et j'avoue que quand t'es sur scène et que tu vois que ça commence à partir en vrille au niveau des lumières et tout, t'as dû te dire que peut-être en régie, les mecs aussi étaient des cow-boys modernes qui venaient de boire du whisky, tu vois. Ouais, non, je me suis dit, tiens, ils s'amusent, mais non, calmez-vous, les gars, c'est pas à ce moment-là. Eh oui, non, mais c'est Mais ça, tu sais. c'est assez déstabilisant parce qu'on est habitué Bah oui, à un mais. cadre. Et puis les mecs, en fait, ils avaient fait un sans-faute une semaine avant, donc totale confiance. Je dis, bon, ok, Ah, les gars. ce que tu as vécu toi, en fait, n'importe quel humoriste aurait vécu la même chose parce que tu fais un spectacle, ça se passe nickel et on te dit avec les mêmes personnes, on refait la même la semaine prochaine. Bah allez, hein, tu vois, il n'y a pas de raison quoi. Si la première s'était mal passée, je pense que tu n'aurais pas accepté la deuxième. Ah ouais, non, c'est sûr, mais c'était juste surréaliste, quoi. Et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, ça s'appelle. On a joué à Toulouse, mais c'était pour une bonne raison, quoi. En deux parties, c'était Toulouse. J'étais perdu, quoi, parce que j'aurais dû me méfier du nom de la ville. Alors que le Touquet, tout était gay, tout a bien marché, mais non, Oh c'était. ouais, ah j'avoue, j'avoue. C'était compliqué, mais bon, voilà, ça. J'en rigole, j'en ai rigolé le lendemain, mais sur le moment, j'ai quand même mis un Ah petit bah moment à sur le coup. digérer la pilule, parce que on se donne à fond, et puis y a rien qui marche, c'est pas possible, le truc est maudit, quoi, c'est incroyable, Ouais. quoi. Ou alors, est-ce que c'est pas un truc vraiment machiavélique, mais vraiment un truc de dingue, où cette fameuse entreprise fait venir des humoristes, où elle fait tout nickel, tu vois, donc la première fois au Touquet, et puis après, elle les fait venir à Toulouse avec cette salle qui est prévue pour les ridiculiser, et elle les filme, et dans quelques années, ça va sortir en mode surprise, surprise. Eh ben, figure-toi que c'était exactement ça. Ça aurait été énorme, le truc, le pugilat, quoi. Oh. Ok, c'était une super blague. Ouais, bon, commence, allez, je te laisse 20 mètres, commence à courir, toi. Ah mais là vraiment, je compatis et tu vois ce qui m'a plu vraiment dans ton histoire, c'est que comme beaucoup d'humoristes, moi je pense que j'aurais fait comme toi aussi, tu vois, j'aurais tenté de porter la voix et tout, j'aurais lutté comme j'aurais pu, mais je suis pareil, tu vois, je peux pas laisser tomber les gens, je peux pas leur dire non, désolé, je me barre, désolé, je peux pas. Non, parce que je me dis ils sont venus, il faut qu'ils aient le spectacle, après qu'ils le reçoivent bien ou mal, bon bah là malheureusement c'est pas entre mes mains, mais au moins moi. On m'a payé pour une performance, je vais faire ma performance tant bien que mal, quoi. Et je trouve que, tu vois, tu parlais du côté pro tout à l'heure, genre, c'est pour les amateurs, les galères, moi je suis un pro. Eh ben, avec cette anecdote-là, c'était une galère, mais t'as réagi comme un pro, et franchement, respect. Merci, merci. Ouais, non, mais après, j'en ai beaucoup, hein, des galères, j'en ai eu, mais des pagailles. Mais à chaque fois, chaque fois, ça te rend plus fort, tout simplement. C'est tellement un exercice compliqué que le nombre de fois où j'ai dit, oh, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête, j'arrête, j'arrête, parce que c'est pas possible de vivre ça sur scène, quoi. Ou une fois, j'ai eu un couple qui était là, et il y avait la mère qui était au milieu. Je sentais que c'était un couple, et puis donc c'était la belle-mère du mec, quoi. Et je sors une vanne, machin, je pose une question. Et le mec répond, je sais plus quoi, ce que c'était. Et la belle-mère lui a mis une tarte. Il lui a mis une claque, mon gars. Mais un truc, ça a glacé la. C'est-à-dire que la salle qui fait. Oh, tu vois, c'est même pas, il rigole. Ça a glacé la salle. Et Ah moi, j'étais ouais. hyper mal. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était un espèce de règlement de compte. Je sais plus, il a sorti une joke, mais une private joke sur sa belle-mère. Et l'autre, elle l'a mal pris, elle a mis une tarte. Et là, tu dis, bon, allez, on va essayer d'oublier l'incident, continue. Est-ce que le mec est venu te voir à la fin ou? Non, je pense que. Alors, je ne sais pas si c'était. S'ils se sont parlé ou si. Non, je ne les ai pas vus à la fin. Mais D'accord. ils ont tiré la tronche pendant. L'autre, il se tenait la joue parce que l'autre, elle avait mis une patate de forain, mon gars, je te dis pas. Elle l'avait assommé, l'autre qui regardait ses pompes, la fille qui était hyper mal, et l'autre qui me regardait, genre vénère. Je dis, si elle monte sur scène, la belle-mère, non, ça va pas être possible. Et, non, bah, c'est que des trucs comme ça. Mais bon, après, tu dis, bah, t'en rigoles, mais et à chaque fois, tu dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quand C'est la beauté du spectacle vivant, il peut tout se passer, autant dans le bien que dans le mal. Mais je trouve ton podcast vachement bien parce qu'effectivement, on a tous connu des galères et puis on en connaîtra encore parce que c'est la magie du live, quoi, du spectacle vivant. Je te remercie vraiment. C'est vrai que ce principe du podcast, moi, c'était vraiment, tu vois, genre partager nos anecdotes, qu'on en rigole ensemble. Vu que déjà, on en rigole en private, tu vois, genre dans les loges et tout, je voulais vraiment le mettre en public pour que tout le monde voit l'envers du décor et qu'aussi les nouveaux humoristes se rendent compte que, quel que soit notre niveau de carrière, on a tous des galères, tu vois. Oui, carrément, carrément. Ah. C'est dingue. Et je pense qu'au bout de 7 ans, une fois que j'ai arrêté ce spectacle, j'ai dit, je pourrais faire un spectacle sur toutes les galères que j'ai eues. Tellement c'est ouf, quoi. Tu dis, bon, en 7 ans, tu as fait quelques dates quand même. Ah Et bah oui. bout à bout, comme ça, je me dis, ah bah je pourrais faire un spectacle. C'est tellement surréaliste, des fois, il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est la Bah quatrième oui. dimension, quoi. J'imagine qu'avec ce concept de spectacle, la première se passerait à Toulouse. Absolument. Autant y Exactement la aller. même salle. C'était vraiment la merde quand j'étais venu jouer chez vous. Autant continuer. Non, mais c'est dingue. Et puis, des anecdotes sur des régisseurs qui sont là. Moi, je dis, je veux un régisseur professionnel, dont c'est le métier, parce que le nombre de fois où on dit, oui, non, j'ai un pote, Ouais, machin. On t'a qui. fait venir un mec qui est hyper carré, machin et tout, parce que ma régie était assez complexe au son et en lumière. Donc, voilà. Déjà, j'expliquais quand je venais pas avec mon régisseur parce que c'était pas possible. C'était minimum 2 heures de régie Oh pour là expliquer là. tout. Ah ouais, non, Ah c'était ouais. hyper. Puis moi, je suis assez carré, c'est au millimètre. Donc voilà, quoi. C'est un spectacle, voilà, tout simplement. Et le nombre de fois où je me suis retrouvé avec des mecs, on me dit, ah, tu vois, c'est un professionnel et tout. Et un jour, je tombe sur un mec, c'était le sosie de Johnny Hallyday, je pense. Il n'était pas au courant. J'ai essayé de le prendre avec des pincettes, le gars. Bon, ça va, il s'est un peu détendu. Au bout de deux, trois verres de bière, il a commencé à se détendre. J'ai dit, tu sais que j'ai une chanson sur du whisky après à la fin, si tu veux. Et le mec, il me dit, oh non, c'est bon, bon, ça va. Puis c'était un espèce d'ours mal léché, le gars, tu vois. Je me dis, bon, faut le prendre comme il est. Puis bon, il se détend un peu, machin. On fait un filage technique, entrée-sortie. Il me dit, ouais, c'est bon, j'ai tout compris. Et là, ça commence le spectacle. Pas la bonne musique, pas la bonne lumière. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et tout le spectacle, ça a été ça. Tout le Oh spectacle, là c'était là. un carnage. Et le mec, à la fin, il me fait, bah, ça va, je m'en suis pas mal sorti, hein. J'ai rien dit, je l'ai regardé, j'ai fait, il me fait une blague ou quoi? Le mec, il m'a saccagé le spectacle. C'était Oh. meilleur. Et le mec, pour lui, il avait fait un sans faute. Hein. Je l'interpellais, les gens croyaient que ça faisait partie du spectacle, hein, vraiment. J'ai fait, Ah, c'est mais un grand qu'est-ce. classique, ça. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est quoi? Il me fait, bah, c'est bon, j'ai envoyé le truc. Puis il avait une répartie, mais ça me faisait hurler de rire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, le mec, il ne comprend rien du tout. Mais il comprend pas ce que je lui dis ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Et le mec, il était, mais à l'ouest! Mais c'était un festival. Et le mec, il dit, oh, ça s'est pas trop mal passé. Hein. J'ai rien pu dire. Je suis resté comme ça, je l'ai réagi, j'ai fait, bravo, champion. Enfin Dans ce bref. cas-là, je crois qu'il vaut mieux pas, il vaut mieux pas se prendre la tête, oui, c'est sûr. Ah oui, non, là j'avais lâché le truc, je dis écoute. Ben voilà, Eh ben. donc pour la saison 2, 3 et 4, j'en ai plein. Pas de souci, bah écoute, on prendra rendez-vous, il n'y a pas de problème. Yes. Ah bah c'est cool, bah écoute, si un jour j'ai possibilité de venir voir ton spectacle, ben on se prendra un petit moment en coulisses pour enregistrer en face à face un petit épisode retour si ça te dit. Avec grand plaisir, avec grand Eh bien écoute, plaisir. le plaisir sera partagé. Et donc Ouais. merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Arnaud Maillard sur Facebook ou sur Instagram, Arnaud Maillard. D'accord. Et sinon, arnaudmaillard.fr, ça c'est mon site internet où il y a toutes les dates, Ok. mon nouveau spectacle qui a vu le jour en octobre. J'ai fait 4 dates et puis voilà, ça s'est arrêté. Ah oui. Donc en stand-by et puis on va reprendre ça rapidement. Donc voilà, ça reprend. On est Ok, contents, tous. je mettrai Facebook et Instagram avec le site officiel, il n'y a pas de problème. C'est cool. Eh bien, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.